إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فبتقوى الله تزكو الأعمال وتنال الدرجات وارغبوا فيها عنده فبيده الخير وهو على كل شيء قدير واتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء عباد الله من حق هذه الأمة أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس أن تفخر بدينها وتعتز بشريعتها حيث توحدت به الصفوف والتقت به القلوب وأنقذها مهاوي الرذيلة إلى مشارف الفضيلة ونقلها من الذل والاستعباد إلى العزة والكرامة وصحيح الحرية دين الأمن والأمان وشريعة العدل والرحمة دين أكمله الله فلن ينقص أبدا رضيه فلن يسخط عليه أبدا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله شريعة الله هي المنهج الحق الذي يصون الإنسانية من الزيغ ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى شفاء الصدور حياة النفوس معين العقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون منبع الشريعة ومصدرها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محمد كتاب الله أساس الدين ومصدر التشريع رحمة الله على العالمين حوى أصول الشريعة وقواعدها وعقائدها وأخلاقها وحلالها وحرامها يضيء للأئمة مسالك الاستنباط في معرفة أحكام الحوادث والمستجدات في كل زمان ومكان فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول الشاطبي الكتاب كل الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور البصائر والأبصار لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة إلا لمن استضاء بهداه انتهى كلامه. يفتح مغاليق القلوب وتستنير به الأفئدة. كتاب الله الحكيم فيه نبأ من قبلكم، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Servez d'Allah, craignez Allah, car la piété et la crainte d'Allah purifient les œuvres, et c'est par la piété qu'on atteint les grands degrés et les degrés élevés de la foi. Et cherchez en ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le bien est entre sa main et il a le pouvoir sur toute chose. Suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre chose en dehors de cela. Ô vous qui avez cru, serviteur d'Allah, il est du droit de cette Ummah, la Ummah de l'Islam, la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, d'être fier de sa religion, d'être fier de la sharia d'Allah et de la législation que Allah a révélée. Puisque c'est par cette révélation et par cette sharia que les rangs ont été unifiés et que les cœurs se sont réunis, et Allah a sauvé cette Ummah des gouffres de la perversité et du mal vers la noblesse des bonnes manières et du bon comportement, et les a fait sortir de l'humiliation et de l'esclavage vers la fierté, la noblesse et la vraie liberté. La religion de la sécurité, la religion de la justice et de la miséricorde, et la législation de la justice et de la miséricorde. La religion de l'Islam est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a complétée et parfaite. Il n'y a rien qui manque dans cette religion. Et il en a été satisfait. Et il ne sera jamais le contraire de cela. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'Islam comme religion pour vous. Serviteur d'Allah, sachez que la sharia, c'est la voie de la vérité qui protège l'humanité de la déviation et qui les protège de tomber dans le mal et dans la passion. C'est une guérison pour les âmes, une vie pour les âmes, et un aide pour la raison qui protège de l'égarement. Ô vous les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous les hommes, il vous est venu une exhortation de votre Seigneur et une guérison pour ce qui est dans les poitrines, et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Dis, ô Muhammad, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. C'est de cela qu'ils doivent se réjouir. C'est meilleur que ce qu'ils rassemblent. Et donc, la sharia, elle a comme source et comme référence le livre d'Allah et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le livre d'Allah, la base de la religion, la source de la législation islamique. Une miséricorde pour les hommes et pour les mondes. Elle comprend les fondements de la sharia, de même que ses principes, dans la croyance et dans les comportements, dans ce qui est halal et dans ce qui est haram. Et c'est une lumière qui éclaire les savants et les imams de la religion pour qu'ils puissent extraire de ces versets les règles lorsqu'il y a des nouveaux événements qui se produisent, que ce soit des choses qui n'ont jamais existé, mais qui arrive à notre époque, eh bien, c'est ce qui fait que l'islam est applicable à toute époque et en tout lieu. Parce qu'il y a les règles qui permettent d'extraire les verdicts et les principes qui éclairent les ulama pour qu'ils puissent clarifier le verdict de chaque chose qui arrive dans ce monde, peu importe où on est et peu importe l'époque. Et donc, comme disait l'imam Shafi'i, il n'y a pas une chose nouvelle qui peut se produire, excepté que les gens de l'islam ont dans le livre d'Allah la preuve pour trouver le chemin de la guidance à son sujet. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, le livre, c'est toute la charia. Et c'est le fondement de la religion. C'est la source de la sagesse. Et le signe du message, la lumière des yeux et de la clairvoyance. Et il n'y a pas d'autre chemin vers Allah. Et pas de salut, excepté pour celui qui s'est éclairé par sa guidance. C'est par là... révélation du Coran que s'ouvrent les cœurs fermés et qu'ils s'éclairent. Le livre d'Allah, il y a dedans les informations au sujet de ceux qui étaient avant vous et ceux qui vont y arriver, ce qui va arriver après vous et le jugement entre vous. C'est la parole tranchante. Celui qui l'abandonne parmi les puissants, Allah lui brise. Celui qui cherche la guidance en autre que le Coran, Allah l'égare. C'est le câble d'Allah solide. C'est sa lumière claire. C'est le rappel sage. C'est le droit chemin. Celui qui parle par le Coran dit vrai. Celui qui juge par celui-ci, il est juste. Et celui qui agit par ce qui est dedans, il sera récompensé. Et celui qui appelle à celui-ci, il sera guidé vers un droit chemin. Amma sunnatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi fahiya al-mufassiratu lil-Qur'an ad-dalla alayhi al-mubayyinatu li-mujmalihi wa li-mufassala wal-mufassalatu li-ahkamihi fardun ittiba'uha haramun mukhalafatuha. من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الناس عباد الله, الإسلام عقيدة وشريعة, إيمان بالله وتوحيد له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره, عبودية تامة وخضوع مطلق, رضي بدين الله رضا بدين الله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ريب ولا حرج, والتزامه في المنهج والعمل في التعامل والقضاء وفي الحكم والإدارة في الأفراد والجماعات. Et ensuite il y a la sunna de l'élu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna dans ses paroles, dans ses actions, dans ses approbations. Et cette sunna, elle clarifie et elle explique le Coran. Et elle vient clarifier ce qui est général dans le Coran. Et elle détaille ses règles. Il est obligatoire de la suivre. Et il est haram, interdit, de contredire la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Et il dit également dans un autre verset ce qui signifie: ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et il mentionne également dans un autre verset: ce qui signifie que ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'ils craignent pour eux-mêmes d'être frappés par une fitna ou d'être frappés par un châtiment douloureux. Et donc sachez, serviteurs d'Allah, que l'islam est une conviction, une croyance et une législation, une sharia. Une aqida et une sharia. Les deux vont ensemble et ils sont inséparables. C'est la foi en Allah, de croire en son unicité, qu'il est unique dans son règne et dans sa souveraineté, dans son royaume, dans son domaine. Il est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui dirige tout. Et qu'il est unique également dans le fait qu'il est celui qui a le droit exclusif d'être adoré. Et personne en dehors de lui ne mérite d'être adoré. Et il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Rien ne lui est semblable, rien ne lui est égal, rien n'est comparable à lui. Et c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres et ses messagers, de croire au jour dernier et de croire à la prédestination de ce que Allah a prédestiné pour nous, de bien ou de mal. Et donc c'est le fait de se soumettre totalement à Allah et de se soumettre de façon absolue à sa volonté et à ses ordres. Et c'est un agrément pour la religion d'Allah et de croire en son messager sallallahu alayhi wa sallam sans avoir aucun doute et sans ne trouver aucune gêne dans ce qu'il nous a ordonné. Et c'est de s'accrocher à cette voie et à le mettre en application et dans les interactions et dans le jugement et dans ce qui a rapport à l'administration et dans tous les différents aspects de la vie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des groupes. Inna l'islam hayatun ta'abudiyya taj'al al-muslim mawsul al-qalb bi rabbih يبتغي رضوانه في شؤونه كلها نظام خلقي يقوم على إشاعة الفضيلة واستئصال الرذيلة نظام سياسي أساسه إقامة العدل وتثبيت دعائم الحق ونظام اجتماعي نواته الأسرة الصالحة وعماده التكافل بين أبناء المجتمع دين عمل وإنتاج منهج كامل متكامل لكافة أنماط النشاط البشري على نور من الله ابتغاء مرضات الله. Serviteur d'Allah, l'islam c'est de vivre dans l'adoration d'Allah dans tous les différents aspects de la vie. Et l'islam fait en sorte que le cœur du musulman soit constamment rattaché à son Seigneur et qu'il recherche constamment son agrément dans toutes ses affaires. C'est un système comportemental qui est basé sur le fait d'établir la noblesse et le mérite et l'excellence et de rejeter, de repousser tout ce qui est bas et le mal et les bassesses. C'est un système politique dont le fondement est établi sur la justice et de raffermir les bases de la vérité et de les établir. C'est un système social dont le noyau est la famille et dont le lien est d'établir de l'entraide entre les éléments de la société. C'est une religion de travail et de production. C'est une voie complète qui se complète. Les différents éléments qui le comprennent se complètent les uns les autres et incite les hommes à faire des efforts. Et il est éclairé par la lumière d'Allah pour retrouver et rechercher son agrément. ومن هنا أمة الإسلام فإن هذا الدين بأصوله ومبادئه وفى ويفي بحاجات البشرية في كل عصر ومصر انتشر في أنحاء الدنيا ودخل تحت سلطانه أجناس البشر فوقع بمبادئه وقواعده كلما امتد إليه نفوذه من أصقاع المعمورة عالج كافة المشكلات على اختلاف البيئات وما عجز في يوم من الأيام عن أن يقدم لكل سؤال جوابا ولكل واقعة الفتوى ولكل قضية حكما مدونات الفقه والفتاوى برهان للمتشككين وكيف يكون ذلك الشريعة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعايش والمعاد عدل كلها رحمة كلها ومصالح كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة ولقد كانت هذه الشريعة أساس الحكم والقضاء والفتية في العالم الإسلامي كله أكثر من 13 قرنا وانضوى تحت لوائها أعراق شتى وامتزجت بها بيئات متعددة فما ضاقت ذرعا بجديد ولا قعدت عن الوفاء بمطلوب ولماذا نرجع إلى الماضي وبين أيدينا ولله الحمد والمنة والمنة حجة قائمة وبرهان ظاهر فهذه بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية قائمة على كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة شرع الله قادتها وحكومتها وأهلها ومجتمعها يعيشون في ظلال الشريعة ونور الكتاب والسنة وفي أمن وطمأنينة وخير ونعمة ملأ القلوب الرضا وما يرجى من الله خير وأبقى وأدام الله عليها نعمه وزادنا إيمانا وتوفيقا ورضا وتسليما أيها الإخوة في الله إن من مقتضيات الإيمان الإقرار بحق التشريع لله وحده فالحكم لله وحده إن الحكم إلا لله أن لا تعبد إلا إياه والتولي والإعراض عن تحكيم شرع الله من مسالك المنافقين والظالمين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أمة الإسلام على الرغم من هذا الوضوح والجلاء إلا أن أعداء الإسلام أبوا إلا وضع العراقيل وتلفيق التهم والاختلاق الفكري الذي يجعل من بعض المسلمين حتى المثقفين يستحيون أو يشمئزون من ذكر بعض شرائع الإسلام Approchez-vous un peu pour faire de l'espace pour vos frères qui rentre. Barakallahu fikum. فبعض المسلمين حتى المثقفين يستحيون أو يشمئزون من ذكر بعض شرائع الإسلام كالحدود والقصاص والحجاب، وكأنهم لا يرون مانعا أن تكون ديار الإسلام ميدانا فسيحا تنمو فيه الدنايا وسفاسف الأخلاق، وموطنا رحبا يجد فيه المجرمون والمتوحشون فرصا للاعتداء والاغتيال، بل إنك ترى في بعض من يخوض فيه أناس لا يعرفون الطريق إلى المساجد أو لا يتورعون عن المبيقات والمزالق، فتراهم يسرون أو يعلنون إن تحريم الخمر والزنا وقطع دابر اللصوص والمفسدين تشدد وهمجية. أما سمعوا قول الله في المنافقين؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقوله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أيها الإخوة، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وليس الإسلام مجرد الانتساب الاسمي، ولكنه ما استيقنته القلوب وصدقه الأعمال. ومن هنا فحين يصدق المسلمون ويخلصون لدينهم فيجعلون كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم أساس الحكم، وتبنى عليهما مناهج التربية والتوجيه، فحينئذ يتحقق الوعد ويتأكد التمكين وينزل النصر. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن حقيقة الإيمان هي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ومن ثم الخضوع والطاعة والانقياد والتسليم. وأما الحرج في الصدور والريب في القلوب والاستسلام للهوى ورغبات النفوس فهو من مظاهر النفاق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وذكر الله عز وجل في سورة المائدة في آيات متتاليات وجوب تحكيم ما أنزل الله عز وجل وترك ما سواه، ورد ذلك في أكثر من 20 آية. وفي نهاية كل آية من الآيات الثلاث قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ففي الآية التي تلي هذه الأخيرة قول الله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وفي الآيتين اللتين بعدها قال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك يعني قال عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فالحكم بغير ما أنزل الله الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ذكر العلماء فيه تفصيلا قالوا إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم غيره هو الذي يصلح للناس أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله يعني استباح هذا الشيء هذا كافر يعني كافر الكفر المخرج من الملة كفرا مخرج من الملة إذا استباح الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أنه جائز يعني حلال وقال جائز أنه يحكم يعني بالشريعة وجائز أن يحكم بالقانون كله جائز سواء يعني المحكمة فيها هذا وهذا يعني حكم بالشريعة وحكم بالقانون والناس مخيرون والأمر كله سواء هذا كافر بالله وكذلك من باب أولى إذا قال أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية لأن الناس تطوروا والحضارة تقدمت والعلم كما يسمونه وهو بالحقيقة الجهل ما هو بالعلم العلم تقدم وهذا الزمان اختلف عن زمان الأولين لازم ننظم الأمور ونجيب أنظمة الدول الراقية ونجعلها هي الحكم بين الناس بالمحاكم هذا كافر هذا أشد الكفار والعياذ بالله أشد من الذي قال جائزا هذا وهذا وهذا كافر كفرا مخرجا من المخرج من الملة الحالة الثالثة إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب وأنه مخطئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه ورغبة ينالها في هذه الدنيا فهذا كفر دون كفر وهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله ولم يستبحه يعتقد تحريمه ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب فيكون هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وكافر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى Serviteur d'Allah, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit en arabe parce que c'est un peu long, mais je vais faire un court résumé de qu'est-ce que j'ai clarifié, qu'est-ce que j'ai expliqué. Et en fait, c'est pour faire comprendre que il est obligatoire pour le musulman de juger dans tous les aspects de sa vie, et ce n'est pas seulement pour les dirigeants, mais les dirigeants et chaque individu d'entre nous, dans toutes nos affaires de notre vie, c'est obligatoire pour nous de juger selon la charia d'Allah. Et pour les kuffars, et pour les non-musulmans, Le mot charia, pour eux, ça leur met dans l'esprit les applications des peines de couper la main du voleur ou de lapider celui qui est adultère, ou bien des peines de ce genre. Et ça, c'est clair que ça fait partie de la charia, mais c'est une partie seulement. Mais sinon, le wudu, ça fait partie de la charia. Et la salat, ça fait partie de la charia. Et la zakat, ça fait partie de la charia. Et le hajj, et la umra, et le mariage, et le divorce, et les héritages, et tous ces aspects-là font partie de la charia. Et donc les ulama ont expliqué que la charia, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qui est dans la sunna. Et c'est ça la charia d'Allah. Est-ce qu'un musulman a le droit d'être contre qu'est-ce qui est dans le Coran et contre qu'est-ce qui est dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Aucun musulman ne peut rejeter une lettre du Coran et une parole d'entre les paroles authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut bien comprendre ça comme il faut. Et en même temps aussi, il faut comprendre une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous ordonne de juger donc selon ce qu'il a révélé dans tous les aspects de la vie. Et celui qui rejette cela, c'est pas un croyant. Et on a expliqué les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les non-croyants. Et Cheikh Al-Fawzan, il clarifie qu'il y a plusieurs possibilités ou plusieurs attitudes ou catégories dans les gens par rapport à ça. Soit que la personne, elle pense que la loi des hommes est au-dessus de la loi d'Allah, meilleure. Et le Cheikh, il dit, celui-là, il est kafir. Ou bien qu'il croit qu'elle est à égalité avec la loi d'Allah. La loi des hommes et la loi d'Allah étaient à égalité. Tu peux choisir celle-là ou celle-là. Dans ce cas-là, tu as mis la parole des hommes à égalité avec la parole d'Allah, et il explique que ça, c'est kofr aussi. Et celui qui fait ça, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Ou bien sinon, tu dis, la charia d'Allah et les règles qui sont révélées dans le Coran et dans la Sunna ne sont pas applicables à notre époque, parce que ça, c'était des règles qui étaient révélées pour un temps passé, et aujourd'hui, on est évolué, on n'a plus besoin de la charia d'Allah. Et ça aussi, le Cheikh dit, ça, c'est encore plus grave. Et plus grave dans le coffre et dans la mécréance. Toutefois, il mentionne qu'il y a une autre catégorie, c'est celui qui reconnaît et qui croit que c'est obligatoire de juger selon ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et d'accepter la charia. C'est obligatoire. Et il contredit le jugement de la charia et du Coran et de la Sunna parce qu'il suit son désir ou parce qu'il suit sa passion ou pour un intérêt de la vie d'ici-bas. Mais il sait que ce qu'il fait, c'est haram, et qu'il est en train de désobéir à Allah. Mais il ne le rend pas halal, et il ne dit pas que c'est mieux que la charia d'Allah, ou que c'est égal. Il dit, je sais que ça c'est contraire à l'islam, mais je n'ai pas le choix. Je prends, par exemple, je suis mes passions. Dans ce cas-là, il n'est pas kafir, mais il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Et c'est une sorte de mécréance que les ulama ont appelé une sorte de kufr qui est un kufr mineur, c'est-à-dire kufrun duna kufr, comme les ulama des salaf l'ont expliqué. C'est-à-dire, c'est un grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam, mais ça fait partie des grands péchés. Donc il faut bien faire attention à ça. Parce que parfois, les musulmans, surtout à notre époque, avec ce qui se passe avec Daesh, avec ce qui se passe avec Al-Qaïda et d'autres groupes de Khawarij, eh bien, il y a des gens qui ont commencé à avoir peur de l'islam parmi les musulmans, ou avoir honte de croire ou d'affirmer qu'ils croient en la charia d'Allah. Et parfois même, tu entends des koufars qui disent, celui qui dit, par exemple, qu'il est d'accord avec la lapidation, c'est un radical, ou des choses de ce genre. Alors que ça, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être radical. Hein? Et donc il faut savoir que quand on parle des règles de la charia, un dernier point avant de terminer, c'est que ce n'est pas toutes les règles de la charia qui sont applicables de la part de chaque individu musulman. Quand ça concerne les peines et les punitions, c'est quelque chose qui est réservé aux dirigeants. Et c'est le chef de l'État musulman, dans un pays musulman, qui a le droit et l'autorité de les faire appliquer sur les individus et non pas chaque individu musulman qui peut se permettre de l'appliquer. D'accord ? Donc si tu vois quelqu'un qui vole, tu n'as pas le droit de l'attraper dans la rue puis dire « je vais te couper la main ». Ou bien tu vois quelqu'un, tu l'attrapes en train de faire l'adultère, tu dis je vais le lapider moi-même. Non. Ça, tu l'attrapes, tu l'amènes à la police, ou bien tu as les témoins, vous l'amenez devant le juge dans un pays musulman, et là, il va être jugé. Mais ce n'est pas les gens qui vont faire ça par eux-mêmes. Et ce n'est pas non plus dans les pays de Kouf où les musulmans n'ont pas une autorité religieuse, une autorité islamique politique non plus. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et il faut clarifier ça aux gens comme il faut. Et aussi, il y a plein de règles et de conditions à ces principes-là. Ce n'est pas aussi simple ou facile que les gens s'imaginent. Et c'est pour ça qu'il faut étudier le fiqh. Il faut étudier les livres des ulama, comment ils ont expliqué ces choses-là. Et en même temps, il ne faut pas mentir sur l'islam, sur la charia, ou nier les choses parce qu'on est gêné ou embarrassé devant les koufars. On ne sait pas comment défendre l'islam, alors on commence à dire n'importe quoi. Non, il faut être fier et il faut être clair. Mais en même temps, il faut aussi avoir du ilm. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.